sol est trempé, les feuilles murmurent. Red Skill avance sous la brume pure. Complice du pire, Riders qu'il sourit et paie le calme, mais tout est prêt. Bastion, forge l'histoire.